Tu l'aveva l'idea, tu l'aveva l'idea, tu l'aveva l'idea, tu l'aveva l'idea, tu l'aveva l'idea, tu l'aveva l'idea. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Je t'aimais, c'est du passé. Je vais me consoler chez Versace. J'ai peut-être mes défauts, j'ai merdé, je l'avoue. Seul et triste comme au dépôt, une seule fois je dis I love you. Une seule fois je dis I love you. Pauvreté.